On aboie, j'étais tout ça, et blaguait sur les Auvergnats. Le Louetta, l'orée du bois, sonnait musette, sonnait au bois. C'est la blague des Auvergnats. On a beau regarder tout ça et dire après qu'on voyait pas cet arbre qui cache la forêt. Moi je préfère écouter Marie la forêt. On a beau aboyer tout ça, crier maréchal nous voilà, laisser le loup sortir du bois. Moi je préfère revisionner Marie Dubois. On a beau ignorer tout ça et dire que ça se passera, devant tout ça rester de voix. Moi je préfère écouter chanter Charlebois. Je n'aime pas quand ça aboie. Je n'aime pas non plus la langue de bois. J'aime l'amour avec un grand A. Moi je préfère la grande Régine et son boa. On a boa, j'étais tout ça, et blaguer sur les Auvergnats. Le Louetta, l'orée du bois, sonnait musette, sonnait au bois. C'est la blague des Auvergnats.